إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 37 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le charh du Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah. Et on est arrivé à la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsqu'il dit wa ma'nahu, en parlant de la ilaha illallah, il dit wa ma'nahu la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Donc qu'est-ce que ça signifie cette parole? Ça signifie la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. La ilaha, c'est pour nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, c'est une négation. Et l'affirmation illallah, ça affirme que l'adoration appartient uniquement à Allah et qu'il n'a pas de partenaire et d'associé dans son adoration, de la même manière qu'il n'a pas d'associé et de partenaire dans son royaume et dans sa création. Donc le Cheikh Zayd al-Madkhali hafizahullah, il explique maintenant cette partie. Il dit wa ma'nahu, ma'na shahada, la ma'buda bihaqqin illallah. Donc la signification de la ilaha illallah, le témoignage, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. La ilaha, le cheikh il dit, fala ilaha nafiyan jami'u ma yu'badu min dunillah wa illallah muthbitan al-ibada lillahi wahdahu la sharika lah fi 'ibadatihi kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi. Donc comme on vient de le dire, la ilaha, c'est la négation. Parce que la ilaha illallah, il est en deux parties. Il y a deux parties dans le témoignage, c'est l'affirmation et la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est la ilaha. Et illallah, c'est l'affirmation que l'adoration appartient à Allah seul. Il n'a aucun partenaire dans son adoration. Et de la même manière que dans sa création, il n'a pas de partenaire. Hein? Quand on dit que dans sa création il n'a pas de partenaire, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a créé quoi que ce soit avec Allah. Tout ce qui existe, chaque atome qui existe est créé uniquement par Allah et n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc puisque c'est lui seul le maître de tout, le créateur de tout, celui qui contrôle tout, eh bien c'est lui seul qui mérite l'adoration aussi dans ce sens-là. Et le cheikh il dit نعم لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه شريك لله في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء أو الإماتة ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى لأنه لو ادعى مستكبر بأنه شريك لله عز وجل في الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة لطلب منه أن يظهر تصرفه أو أن يفعل ما ادعاه وأن له ذلك ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Donc le cheikh il dit que c'est possible que quelqu'un prétende que il est un partenaire avec Allah dans la création. ou dans le fait de donner la subsistance, ou dans le fait de faire vivre ou de faire mourir. C'est possible que quelqu'un prétende cette chose, hein, qu'il contrôle quelque chose, ou qu'il a un pouvoir sur quelque chose dans l'univers, dans, parmi les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut contrôler et que personne ne peut contrôler à part lui. Mais si quelqu'un prétend ce genre de choses, hein, parmi les gens qui font partie des orgueilleux, des gens qui s'enflent d'orgueil, s'il commence à prétendre être capable de contrôler quelque chose avec Allah dans l'univers et d'avoir la capacité de créer ou donner la subsistance ou de faire vivre ou de faire mourir, eh bien, on va lui demander de prouver qu'est-ce qu'il est capable de contrôler, de montrer et de faire voir qu'est-ce qu'il a comme contrôle dans ce qu'il prétend pouvoir contrôler dans l'univers que Allah a créé. Ou bien de faire ce qu'il prétend être capable de faire. Et comment pourrait-il le faire? C'est impossible. C'est impossible pour lui de le faire. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 73, dans Surat al-Hajj, il dit: « Ô vous les hommes, on vous a donné une parabole. Écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah n'ont même pas créé ou ne peuvent même pas créer une mouche ou un moustique, même s'ils se réunissaient pour le faire. Et si le moustique leur enlève quelque chose, ils ne pourraient même pas le reprendre de ce moustique. » Alors, il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: « ضعف الطالب والمطلوب. » Donc, on voit ici que l'esclave, plutôt la créature et l'idole, les deux on a prouvé leur faiblesse. Ou bien l'homme et le moustique, les deux on a vu qu'ils sont faibles. ضعف الطالب والمطلوب. Donc ici le cheikh il dit: ولو اجتمعوا اي لو اجتمعوا ان يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. C'est-à-dire, s'ils s'étaient réunis, tous les êtres humains sur la terre se mettent ensemble, tous les grands savants, les grands scientifiques, les chimistes, les biologistes, les physiciens, tous les grands scientifiques de la terre, de la science de la dunya, et ils essaient de fabriquer une machine ou de faire un projet, d'essayer de créer une mouche qui est vivante, qui peut voler toute seule, à partir de rien, ils ne seront jamais capables de le faire. Ils peuvent faire des petits jouets, des petits trucs qui volent, mais ce ne sera jamais comme qu'est-ce que Allah a créé. C'est comme un petit robot, là, ou un petit jouet, quelque chose qui vole. Mais le clonage, ce n'est pas une création, c'est utiliser qu'est-ce qui existe, puis le transformer. Utiliser la création qu'Allah a faite, puis que tu joues avec les gènes pour arriver à faire quelque chose d'autre. Donc ça, c'est pas créer, c'est manipuler qu'est-ce qui existe déjà. Donc le clonage, c'est pas une création. De créer à partir de rien, comme Allah a créé, ils peuvent pas le faire. Même une mouche, même un moustique. Donc il dit, ça c'est, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur dit. Et moins que ça encore, ou plus facile que ça encore, c'est-à-dire que si la mouche leur enlève quelque chose, est-ce qu'ils seraient capables de le reprendre, de cette mouche? Il dit, wa ashalu min dhalik anna ad-dubab law salabahum shay'an أو مسهم بأذى وارتفع محلقا من محلقا في الأجواء ما استطاعت الأيدي أن تصل إليه وهذا يدل على ضعف الإنسان البشري وأن الله على كل شيء قدير. Donc qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh ici? C'est que on va dire que les kuffars, les mushrikins, ils ont installé une idole, puis ils ont donné à cette idole de la nourriture. parce que vous savez comment ils donnent toujours un peu de nourriture, ou bien même des fois j'ai vu même une statue, même chez les bouddhistes, ils mettent devant une bouteille de Coca-Cola ou une orange, une pomme, ou même des fruits ou quelque chose, du jus. Ils mettent ça pour l'idole. Si la mouche, elle vient dans ce plat de jus là, puis elle commence à boire dedans une goutte de jus ou de quelque chose sucré, et puis il est ouvert, on va dire qu'il est ouvert, hein? Ils mettent un petit peu de jus dans un petit pot, hein? Dans une petite tasse, et ils le mettent devant la statue comme ça. Eh bien, la mouche, elle vient, elle boit une goutte là-dedans, puis elle s'en va avec. Est-ce que la statue est capable de la rattraper? Non. Et est-ce que les mouchriquins sont capables d'arrêter cette mouche-là si la mouche s'envole loin? Non, ils ne peuvent pas. Et même des fois, tu vois, il y a une mouche chez toi, tu essaies de la tuer, tu as de la difficulté. Hein? Parce qu'elle vole rapidement. Et chaque fois qu'elle se pose quelque part, toi, tu t'approches lentement pour arriver pour la tuer, puis aussitôt que tu te rapproches, tu fais un mouvement, elle te voit, elle part déjà, hein? Elle s'en va. Donc, exactement, si. C'est que la mouche est tellement petite que si elle avale quelque chose ou elle mange quelque chose, alhamdulillah, donc elle mange quelque chose, elle le digère, tu vas ouvrir son ventre, tu vas pas retrouver cette chose-là. Hein? Même l'idole, il ne peut pas boire. La statue, hein? Ah, tu veux dire. Oui, mais même c'est l'idole devant le. Oui, c'est la statue. Des fois, ils invoquent pas des esprits. C'est-à-dire, des fois, ils vont invoquer quelqu'un qui a vécu il y a des siècles. Ou Jésus, par exemple, Jésus. Les chrétiens, ils vont prier Jésus, tu vois. Ou bien si c'est Bouddha, ben, ils vont offrir des prières à Bouddha, puis des trucs comme ça. Ou bien si c'est des hindous, c'est Krishna, Vishnu, ou d'autres parmi leurs idoles, ils leur offrent des prières. Mais c'est des êtres qui sont morts depuis des siècles. C'est des êtres humains qui ont été vivants à une époque, qui ont été pieux peut-être, parfois qui ont fait des bonnes choses. Eux, ils se rappellent d'eux, puis ils les ont pris comme des divinités, en dehors d'Allah. Comme à l'époque des mouchriquins à la Mecque, ils adoraient Allah, Al-Uzza, Manat, hein? Et puis ils avaient fait leur statue autour de la Kaaba. C'était devenu des idoles. Donc c'est la même chose. Ils leur offrent des trucs, des offrandes et des choses. Donc, bon, des fois, ça peut arriver que il remarque que l'idole va boire ou bien va prendre quelque chose tout seul. Et ils vont dire, ah mais ça c'est la preuve que peut-être que c'est des idoles qui sont vraies, puisque des fois on a vu qu'elles ont bougé ou qu'elles ont parlé ou qu'elles ont fait des choses. Des fois ça se peut qu'un djinn joue des tours aux mushrikines en faisant croire aux gens que l'idole est capable de faire quelque chose. Comme ça. La même chose pour les adorateurs de tombes. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a mentionné dans certains de ses livres que, comme dans le Furqan, Bain Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, il mentionne que certains parmi les idolâtres, ceux qui adorent les tombes, et bien parfois ils entendent des voix dans la tombe. Ou même parfois ils vont voir l'apparition de la personne qui est enterré dans cet endroit-là, puis quand ils sont venus pour l'adorer ou pour leur offrir des actes d'adoration, l'apparition est venue devant eux et leur a parlé. Donc eux, ils croient vraiment que c'était cette personne, alors que c'est un djinn qui a pris l'apparence, hein, de cette personne pour leur jouer des tours puis les tromper. Donc oui, ça c'est possible. Mais ici, là, dans l'exemple, c'est pas nécessairement dans ce cas-là, c'est juste qu'ils mettent devant la statue, des fois il n'y a rien qui se passe. Hein? Rien qui se passe, c'est-à-dire la statue ne va pas le boire, parce qu'il ne peut pas. elle est faite en bois ou en pierre, hein, donc elle peut pas rien faire. Donc le cheikh il dit wa ashalu min dhalik, donc si la mouche prend quelque chose, il peut pas le reprendre si elle monte dans les airs et les mains ne peuvent pas l'atteindre. Et ça montre la faiblesse de l'homme. Et ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose. Il dit وَلِهَذَا خَتَمَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ أَيْ ضَعُفَ الرَّجُلُ الَّذِي يَطْلُبُ مِنَ الصَّنَمِ الْمَعْبُودِ شَيْئًا مِنَ الْمَنَافِعِ أَوْ دَفْعِ الْمَضَارِّ فَالْمُرَادُ بِضَعُفَ الطَّالِبُ هُوَ الْمَخْلُوقُ وَالْمَطْلُوبُ هُوَ الصَّنَمُ أَوْ الْمُرَادُ الطَّالِبُ هُوَ الْآدَمِي وَالْمَطْلُوبُ هو الذباب الطائر إذ كلاهما ضعيف. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça qu'à la fin de ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il décrit l'homme et l'idole comme étant faibles, que les deux sont faibles. Il dit par exemple ضعف الطالب والمطلوب. الطالب c'est celui qui demande et المطلوب c'est celui de qui on demande. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est-à-dire que l'homme, il est faible, celui qui demande à l'idole, et l'idole elle-même. L'homme qui demande à l'idole de lui donner un bien quelconque ou de repousser un mal, et l'idole elle-même, elle est faible parce qu'elle ne peut rien faire, même pas pour elle-même. Donc comment elle pourrait répondre à la demande de cet homme ou de cette créature? Et le cheikh, il dit ensuite, et donc, là, qu'est-ce qu'on veut dire par da'ufa talib, c'est la créature, et da'ufa al-matloub, c'est l'idole. Hein? La créature, c'est-à-dire, yani l'être humain, la créature, et l'idole. Les deux sont faibles. Et qu'est-ce qu'on veut dire aussi, il y en a une autre explication aussi, c'est-à-dire l'homme et al-matloub, c'est le moustique ou la mouche. Hein? Elle est faible. Les deux sont faibles. Hein? Parce que l'homme, il ne peut pas reprendre de la mouche, et la mouche, elle est faible. Et même, malgré sa faiblesse, malgré qu'elle est petite, mais l'être humain n'est pas capable de la rattraper. Tu vois? Donc, c'est pour montrer que, dans tous les cas, l'être humain et ce que les êtres humains adorent en dehors d'Allah, tout ça, c'est faible. Et il dit ensuite وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab que l'explication de la ilaha illallah, qui explique sa signification, le verset qui clarifie sa signification, c'est le verset dans surat ça c'est surat Fussilat. Dans surat Fussilat, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je suis innocent, hein, ou je me désavoue de ce que vous adorez, verset 62, excepté celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guide. Le verset 60, c'est 62, et l'autre c'est, non, c'est, pardon, c'est pas 62, c'est 26, et l'autre c'est 27. Il a la vie fatrani. Donc je me désavoue, il dit ça à Abraham, il dit à son peuple et à son père, je me désavoue de tout ce que vous adorez. Tout. Parce que le peuple d'Abraham, ils adoraient des idoles. Ils adoraient Allah et aussi ils adoraient des idoles qu'ils représentaient par des statues. Et ça représentait des exemples, des constellations. Ils adoraient les étoiles, puis ils représentaient ça par des statues. C'était les Babyloniens, ce qu'on appelle les Babyloniens. C'est une ville qu'on appelle Babylone. Hein, Babylone, c'est une ancienne civilisation. À cet endroit en Babylone, qui est aujourd'hui l'Irak. Et bien, à cette époque-là, il y avait des peuples qui vivaient là-bas et qui adoraient les idoles, qui adoraient les étoiles. Et c'était le peuple yani Abraham faisait partie de ce peuple. Et yani, il a dit à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez. Et je me désavoue yani, de tout ce que vous adorez. Mais étant donné qu'ils adoraient Allah aussi, en plus d'adorer les idoles, et qu'ils faisaient le shirk, ils adoraient Allah, mais ils faisaient le shirk avec lui en adorant d'autres que Allah avec lui, il a dit, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. C'est-à-dire, excepté d'Allah. Parce que c'est lui qui me guide. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ C'est lui qui va me guider. وَجَعَلَهَا بَقِيَةً كَلِمَةً بَقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Et il a fait de cette parole quelque chose qui reste dans sa progéniture. C'est-à-dire la parole de la ilaha illallah. Pour qu'il puisse revenir. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que yani, c'est la même signification que la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, c'est l'affirmation et la négation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation de l'adoration d'Allah seul. Et bien, on voit ça ici. Innani bara'u mimma ta'budun. Ça, c'est la ilaha. Illa alladhi fatarani. Excepté celui qui m'adore. Donc, il y a la négation et il y a l'affirmation. Ça explique la signification du témoignage de la ilaha illallah. Le chef, il va détailler là-dessus. Il dit تفسير هذه الشهادة الذي يوضحها ما قصه الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عن خليله إبراهيم عليه السلام il dit حيث أعلن لقومه وفي مقدمتهم أبوه الضال الذي رفض أن يستجيب لدعوة الحق رغم ما بذل ابنه من النصائح اللطيفة التي تحمل الأدب وحسن الدعوة كما قص الله عز وجل ذلك علينا في القرآن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا واسترسل في النصيحة لكن حقت على أبيه كلمة العذاب فلم يستفد من دعوة ابنه البار شيئا حتى مات والعياذ بالله على الكفر نعم donc le sheikh il explique que l'explication de ce témoignage qui est clarifié par l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala a rapportée au sujet de son khalil son ami proche Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a déclaré à son peuple et en premier son père l'égaré qui avait refusé de répondre à sa da'wa de vérité, à son appel de vérité malgré tous les efforts que Ibrahim a fait pour lui faire le bon conseil de la manière douce et avec respect et avec les bonnes manières et une belle da'wa qu'il lui avait fait et malgré tout son père a rejeté et a refusé la da'wa comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans Surat Maryam le verset 41-42 lorsqu'il dit rappelle dans le livre Ibrahim il était un prophète véridique il a dit à son père ô mon père pourquoi tu adores ce qui ne peut ni entendre ni voir et qui ne te servira à rien Et la façon comment il s'adresse à son père, il dit « Ya Abati ». Il ne dit pas « Ya Abi ».« Ya Abati ». C'est encore plus doux, yani, encore plus yani, affectueux. Parce que c'est comme si tu disais « Mon petit père ». C'est comme si tu t'adresses à ton père, mais avec beaucoup de tendresse, yani, beaucoup. Mais c'est ça. Non, ce n'est pas un tamarbouta. Hein. Ouais, ya abati, c'est comme si tu disais mon petit père. Non, c'est pas ça par rapport. C'est pas juste dans le tas, c'est dans la forme, yani. C'est comme si tu vas dire. Ya abi, c'est direct. Mon père. Ya abati, c'est plus petit. C'est comme si je dis Ya Ibni, mon fils. Et si je dis Ya Bunaya, hein, c'est comme si c'est plus affectueux. C'est une autre forme. Hein? C'est pas dans le terme, c'est dans la forme. Hein? C'est comme par exemple, c'est une forme sous laquelle tu peux mettre certains mots pour montrer plus d'affection. Hein? Et non. Donc, c'est ça l'exemple ici. Dans Sourate Maryam, le verset 41 et 42. Ya abati. Il le répète plusieurs fois. Et ensuite, le cheikh, il dit, il continua à lui faire la nasiha malgré tout, mais la parole s'est voulue véridique contre son père. La parole du châtiment s'est avouée vraie contre son père. Il n'a pas profité de l'appel de son fils obéissant. Hein? Il n'a rien profité de l'appel de son fils obéissant jusqu'à ce qu'il meure dans la mécréance. Hein? Que Allah nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'ouverture de cette da'wah de Ibrahim al-Khalil. Qassallahu khabara miftah da'wati Ibrahim al-Khalil alayhi salam bi qawlihi إنني براء مما تعبدون فقد أخبر عن عبده وخليله إمام الحنفاء أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان. Donc il dit que par la suite Allah nous a informé de l'ouverture de la da'wa de Ibrahim al-Khalil lorsqu'il a dit je me désavoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Je me désavoue de ce que vous adorez, et en est excepté de celui qui m'a créé. Donc, il informe, فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ عَبْدِهِ. Donc, Allah nous a informé de son serviteur, de son Khalil, l'imam des monothéistes et des adorateurs sur le Tawhid, celui qui est à la tête des prophètes, qu'il s'est désavoué. Il s'est désavoué de son père et de son peuple dans l'adoration de leurs idoles. وَمِنْ هُنَا نَفْهَمْ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ إِلَّا بِبَرَاءَ. C'est-à-dire qu'à partir de cela, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'allégeance et d'amour excepté dans le désaveu et la haine. Hein? Le fait de se désavouer du shirk. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'allégeance. Hein, sur l'islam, dans l'islam, excepté dans le désaveu du shirk et du kufr. أعني بأنه الولاء والبراء الشرعيين اللذين جاء ذكرهما في نصوص الكتاب والسنة في نصوص الكتاب وصحيح السنة فمن ادعى التوحيد ولم يتبرأ من المشركين ولم يبغضهم ويبغض معبوداتهم وعقائدهم فما تم توحيده. Donc le cheikh il dit, je veux dire par là, al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara, c'est un des principes dans l'islam qui est fondamental, qui est relié au tawhid directement. Et on veut dire par al-wala wal-bara le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et d'aimer les mu'minin et de détester les mushrikin. Et c'est al-wala wal-bara qui est basé sur la sharia d'Allah qui a été rapportée dans les textes du Coran et de la Sunna authentique. Justement, par rapport à ça, j'étais cette semaine au Salon du Livre. Je suis allé faire une visite là-bas parce que j'étais avec un groupe d'enfants, puis donc j'ai dû aller avec eux leur faire visiter le Salon du Livre. Et parmi les différents qui... Non, mais ils étaient quand même bien. Ils étaient obéissants. Ils étaient sages. Donc, on est arrivé, on se promenait dans les kiosques, et puis il y a une petite section où je suis passé, puis on est passé devant un endroit où il y avait une table avec plein de livres. C'était marqué le Saint-Coran, puis plein de livres sur l'islam. Et il y avait une grosse photo avec un homme sur la photo avec un turban. C'était Ghulam Ahmad, le faux prophète des Ahmadiyya Qadianiyya, la secte des Qadianiyya. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'il commençait à distribuer au groupe d'enfants que je surveillais, ils étaient 8, il commençait à leur donner des signets. Des signes, des trucs qu'on met dans les livres pour garder la page, avec leur da'wah dessus. Et c'était écrit dessus, amour pour tout le monde et la haine pour personne. Yani c'est directement en opposition avec al-wala wal-bara. Puisque dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a l'ordre d'aimer les mu'minines et d'aimer le tawhid et les gens qui sont sur le tawhid, et sur l'iman, et de détester le kufr et le shirk, et ceux qui sont sur le kufr et le shirk et qui le pratiquent. Après, eux, ces gens-là, viennent contredire, parce que eux, c'est des gens qui rejettent la sunna. Déjà, en partant, ils rejettent la sunna. Et qu'est-ce qui est bizarre, c'est que sur leur signet, ils ont mis un hadith qui est pas da'if, qui est maudour, c'est-à-dire qui est fabriqué, qui est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même pas un hadith qui dit que ça, on doit chercher la science du berceau jusqu'au tombeau, du berceau jusqu'au tombeau. Et ils ont mentionné ce hadith là puis après, donc un hadith il rapporte alors qu'il croit pas au hadith, il rapporte un hadith maudou et il n'est même pas c'est même pas un hadith. Et après qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, ils prétendent croire au Coran seulement, et ils contredisent même qu'est-ce qui est clairement explicite dans le Coran, qu'on n'a pas le droit d'aimer les koufars et les mouchriquins. C'est confirmé dans plein de versets dans le Coran, ce principe-là. Yani, le principe d'al-wala wal-bara, c'est pas quelque chose qui est comme subtil ou caché ou difficile à lire dans le Coran ou difficile à trouver. Il y a une vingtaine de versets, même plus, de versets qui parlent de al-wala al-bara de façon claire. Ne prenez pas pour allier les koufars, les mushrikins, les koufars. Il y a plein de versets qui ont ce sens-là dans le verset, dans les versets du Coran. Et on en a lu au dernier cours, puis on en a lu maintenant. Et là, on continue, même Ibrahim, on voit, il dit, je me désavoue de ce que vous adorez. Et il a dit dans un autre verset, innani bara'un mimma ta'budun, innani bara'un mimma ta'budun, illa alladhi, il a dit dans un autre verset, laqad kana lakum uswatun fi Ibrahim wa alladhina ma'ahu ifqalu li qawmihim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. On est innocent et on se désavoue de vous. Hein? On se désavoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah. On se désavoue de vous et de ce que vous adorez en vous. Et vous, nous vous renions. Yani, kafarna bikum. Wabada baynana wa baynakum al-adawatu wal-barda. Al-adawa, c'est l'animosité, la haine. Wal barda, c'est la haine aussi, c'est clair. Hein? Wa bada baynana wa baynakum, entre nous et vous. Al adawa wal barda abadan. C'est-à-dire, pour toujours. Hatta tu'minu billahi wahda. Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Hein? Donc ça c'est clair, tu ne peux pas trouver un verset plus clair que celui-là. Après tu vas... Non, c'est dans le verset 4, dans surat al-mumtahana. Al-mumtahana, l'éprouvé. Donc comment après tu vas me dire tu dois aimer tout le monde puis détester personne? Ce n'est pas un amour personnel. Même les koufars, tu les vois aujourd'hui, ils parlent et ils disent... tous ceux qui sont contre nos principes sont nos ennemis. Ils prétendent qu'ils aiment tout le monde, mais c'est pas vrai. Et je lisais justement cette semaine, il y avait des articles dans le journal, ils critiquaient les femmes qui portaient le niqab, et après en même temps, ils critiquaient les autres kuffars qui n'étaient pas contre le port du niqab et qui refusaient de critiquer ça au nom, soi-disant, de qu'est-ce qu'ils appellent, eux, le relativisme culturel ou le multiculturalisme, je ne sais pas quoi. Et ils prétendaient que il fallait pas être mou, il fallait pas tolérer tout, il fallait commencer à distinguer entre les différentes cultures, puis tout ce qui était contraire à leurs principes, il faut commencer à le renier, puis des trucs comme ça. C'est pour dire que, en fait, ils appellent même à contredire leurs propres principes, puis commencer à appliquer une ligne dure, comme eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant, appliquer une ligne dure envers les musulmans, puis de ne pas tolérer ce qui, selon eux, est contraire à leurs principes. Alors, c'est pour te dire comment les kuffars, eux aussi, bon, ils ont al-wala wal-bara, mais ils prétendent qu'ils ne l'ont pas. Mais ils aiment pour le shaitan, puis ils détestent pour le shaitan. Et ils aiment dans le kufr et ils détestent pour le kufr. C'est comme ça. Tu vois, c'est ça qu'ils veulent, eux. Ils veulent que tout le monde soit comme eux, des kuffars. Si tu n'es pas kafir comme eux, tu es un ennemi. Et les mu'minines, c'est le contraire. Ils aiment pour Allah et détestent pour Allah. Hein? Et ils détestent tous ceux qui détestent la vérité, puis ils aiment tous ceux qui aiment la vérité. C'est comme ça. Donc, après, le cheikh, on est arrivé où? On est arrivé où? Et le cheikh, il explique, Aynan. Il dit donc que celui qui prétend être sur le tawhid, mais qui ne s'est pas désavoué des mouchriquins, et qui ne les a pas détestés, et haï, et détesté leurs idoles, ou ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, et qui n'a pas détesté leurs croyances, alors son tawhid, il n'a pas complété son tawhid. Il n'a pas complété son tawhid. Parce que tu ne peux pas dire, moi j'accepte le tawhid, je crois au tawhid, je crois que Allah est unique, je crois que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Puis par la suite, tu es d'accord avec, ou bien tu ne vas pas détester ceux qui adorent des idoles, ou qui adorent Jésus, ou qui adorent des croix, ou qui adorent des images, ou qui adorent des statues, ou qui adorent des tombes, ou qui adorent quoi que ce soit en dehors d'Allah. Tu dis non, leur croyance elle est bonne, et je les déteste pas pour ça, ils ont le droit de croire à qu'est-ce qu'ils veulent, hein? Subhanallah. Ils ont pas, c'est ça, ils ont pas compris le tawhid, et ils ont pas compris yani al-wala wal-bara. Parce que tu peux pas aimer ce genre de choses là, sinon ça veut dire que ton tawhid il est nul. Et c'est ça exactement maintenant, qu'est-ce que tu entends, comment les kuffars sont en train de parler vis-à-vis des musulmans. Ils sont en train de dire aux autres kuffars, si vous êtes d'accord avec, si vous acceptez les croyances et les pratiques des musulmans, ça veut dire que vous n'êtes pas des vrais Québécois. C'est-à-dire, ouais, c'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec les valeurs de la charte québécoise, ça veut dire que vous n'êtes pas des vrais Québécois. Parce que les vrais Québécois sont obligés d'être d'accord avec ça. Et si ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ce n'est pas des vrais Québécois. C'est des infiltrés. Ouais. Ouais, non, c'est ça, je l'ai vu, je les vois, c'est comme, ça me fait penser quand j'étais jeune, je me rappelle, quand je me tenais avec des Haïtiens, des jeunes Haïtiens, et c'était mes amis, et puis après, par exemple, il y en a un qui va dire, ah, toi t'aimes pas le maïmoulin, t'es pas un vrai Haïtien. Ou, toi tu manges pas telle affaire, ça veut dire t'es pas un vrai Haïtien. C'est comme, là maintenant ils sont en train de faire la même chose. Et c'est ça qui est dangereux en fait, c'est que tu vas déterminer qu'est-ce qui fait que tu fais partie de quelque chose ou que tu fais partie d'un pays ou d'un peuple par rapport à des valeurs qu'eux ils ont inventées, qui sont basées sur rien, mais c'est ça qui va déterminer pour eux qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est-à-dire, si tu es un vrai Québécois, il faut que tu sois laïque, il faut que tu sois contre les religions, il faut que tu sois pour la liberté, il faut que tu sois d'accord avec l'homosexualité, il faut que tu sois d'accord avec ci et avec ça. Sinon, tu n'es pas un Québécois. Bon, si c'est ça être un Québécois, c'est-à-dire d'être d'accord avec, ses, avec l'homosexualité ou avec la laïcité ou bien avec l'athéisme, puis que si t'es pas, tu ne rentres pas là-dedans, tu n'es pas un Québécois, ben, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'être Québécois, je vais être autre chose. Mais il n'y a pas une nationalité ou une ethnie qui détermine, qui est un critère de discernement pour savoir si tu es sur la vérité ou si tu es sur le faux. Ça c'est pas vrai. Tu peux être n'importe quelle origine, n'importe quel peuple. Hein? C'est pas ça qui va faire est-ce que tu es sur le haq ou sur le batil. Hein? Par exemple, si quelqu'un il est noir, ou s'il est blanc, ou s'il est rouge, ou s'il est brun ou jaune, ou et c'est pas ça qui va faire que cette personne-là, sa culture ou sa coutume, elle est vraie ou fausse. Qu'est-ce qui détermine, c'est est-ce qu'il croit en ce que Allah a révélé par l'intermédiaire de ses prophètes et ses messagers, dans les livres qu'il a révélés à l'humanité. Est-ce qu'il suit ça? Est-ce qu'il s'accroche à la révélation que Allah a donnée à ses messagers? Est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il les pratique? Est-ce qu'il croit que qu'est-ce qui est révélé dans ces livres-là, c'est la vérité et que c'est la justice et que c'est ça le bien et c'est ça qui amène la paix à l'humanité? Si tu crois en ça, alhamdoulilah, t'es sur le haq. Peu importe ton origine, peu importe que tu sois, d'où que tu sois, yani. Mais là, maintenant, ils sont en train d'essayer de déterminer qui est-ce qui est sur la vérité ou sur le faux en se basant sur une origine. Hein? Ouais, non, mais c'est vrai. Ils sont partis. Ouais, c'est pas à Bécomo. Ouais, le groupe de juifs orthodoxes, là. Ouais, ouais. Non, parce que... Ouais, non, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là? C'est un groupe parmi les Québécois qui ont une tendance, qui ont une vision, qui ont des croyances, qui ont des idées nationalistes, puis ils ont des idées politiques. Puis ils veulent essayer d'imposer ça à tous les gens parce qu'ils ont un projet de vouloir créer un pays qui est basé sur ces principes-là. Tu vois? Puis avant de pouvoir créer leur pays, ils veulent unir les gens sur leur fondement. C'est ça, ils veulent brainwash les gens, imposer aux gens cette vision-là en utilisant toutes sortes de ruses, toutes sortes de méthodes. Bon, c'est sûr que c'est sûr que ça va jamais marcher. Parce que même s'ils réussissent à avoir leur pays, ce ne sera pas le début, ce sera la fin. Parce que c'est ça qui arrive souvent avec ces gens qui ont des aspirations de vouloir faire quelque chose. Ils veulent faire un pays, ils en rêvent, c'est leur idéal, c'est leur absolu, ils veulent tout faire pour arriver à ça. Le moment qu'ils vont l'avoir, ils vont réaliser que il y a des problèmes plus grands que ça. Et que c'était pas ça le but, l'objectif le plus important. En tout cas, celui qui comprend pas que le but de son existence c'est d'adorer son créateur, puis qu'après sa mort il va être ressuscité, puis qu'il va être jugé pour rendre des comptes à son créateur, alors le reste, vraiment c'est futile. Hein, pour lui d'avoir un pays ou de se battre pour soi-disant sa langue. Et moi, à chaque fois que j'entends des choses comme ça, je me dis tout le temps, tout ce que les nationalistes séparatistes aujourd'hui prétendent, par exemple, de l'amour de la langue française, puis de vouloir défendre la langue française, puis des valeurs québécoises, le peuple québécois, il n'existerait pas aujourd'hui. Et il ne parlerait même pas français aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la religion catholique. Parce que c'est à cause de la religion catholique qu'ils ont préservé leur langue et qu'ils sont restés séparés. Là, aujourd'hui, ils deviennent laïcs. Ça veut dire qu'ils renient la religion. Ça veut dire qu'ils renient la chose qui a préservé leur identité culturelle jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça veut dire que maintenant, puisqu'ils n'ont plus cette fausse religion, qu'ils ont, ils l'ont rejetée parce qu'elle est fausse, mais ils n'ont pas trouvé la vérité qui la remplace, alors ils tournent maintenant en rond. Et là, ils essaient de se rattacher autour de des valeurs laïques et des valeurs athées. Mais comment tu veux baser un pays sur ça? Cette semaine, je lisais dans le journal, ils ont dit maintenant, la CSDM, ils ne vont plus écrire père et mère sous les lettres qu'ils vont envoyer aux enfants. Ils vont écrire parents à la place pour ne pas blesser les parents homosexuels ou les enfants qui ont des parents du même sexe. Donc ça devient comme débile, ça devient complètement ridicule. Et là, si c'est ça le projet de société qu'ils ont, et c'est ça qu'ils veulent créer comme avenir pour leur société, ben, bonne chance pour eux. Ils vont avoir un beau pays rempli de peuples homosexuels qui ne peuvent même pas faire des enfants. Donc, ils s'en vont vers la perte déjà avec une population majoritairement... majoritairement, comment on dit, c'est des personnes majoritairement des personnes âgées, et c'est des gens, une population vieille, hein, qui commence à mourir de plus en plus, et les jeunes qui se reproduisent pas sont obligés de faire venir des étrangers, ils sont obligés de faire venir des immigrants. Là maintenant, ils viennent ramener des musulmans au Québec, puis après, une fois qu'ils arrivent ici, ils vont commencer à leur faire des problèmes parce qu'ils veulent pratiquer leur religion. Et là, ils veulent les frapper avec la masse, hein, puis essayer de les briser pour les faire détacher de leur foi et de leur pratique religieuse. Comme s'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont réussir, ils vont frapper un dur mur. Hein? En tout cas. Ah, mais les Juifs, c'est quoi? Les Juifs, c'est comme ça. Non, ils vont pas, ils vont frapper un mur. Nous aussi, si on pouvait s'en aller maintenant, on partirait. Mais celui qui peut pas partir tout de suite, il reste, mais en attendant, tu sais. Il faut appeler les gens à la foi, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça notre devoir en tant que musulmans. Il y a des musulmans qui viennent ici, ils vont pas appeler au tawhid parce qu'ils connaissent pas. Ils vont pas parler aux kuffars pour leur expliquer l'islam parce qu'ils le connaissent pas. Et eux, ils parlent juste sur le plan culturel. Ils parlent juste sur le plan de le fait que, oh, ben nous, on est des Marocains, on est des Algériens, on vient de tel pays, notre culture c'est ça, notre coutume c'est ça, hein, puis c'est tout. Ça s'arrête à des discussions superficielles, mais il n'y a pas un qui est capable de clarifier les principes. C'est très rare que tu trouves parmi les musulmans, des musulmans qui vont défendre leur religion. Quand c'est le temps de la défendre avec les explications et la clarification pour faire comprendre aux non-musulmans la réalité de la religion musulmane. Ils vont juste éviter parfois même d'en parler. Mais même s'ils sont assis par exemple avec des koufars dans une pièce et que des koufars commencent à se moquer de certains aspects de l'islam, hein, ou de commence à parler du voile, commence à parler de d'autres choses de la religion, ils vont pas répondre ou clarifier. Ils vont laisser les gens parler. Non, il faut faire ça, il faut faire ça, oui, ça c'est important. Inch'Allah. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit وقد اجمع اهل العلم على ان الكلمه هي لا اله الا الله وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي اريد بها فعبر عن المنفي بها بقوله انني براء مما تعبدون وعبر عما اثبتته بقوله الا الذي فطرني فقصر العباده على الله وحده. Donc le cheikh il dit que cette parole que Ibrahim a dit, les ulama sont d'accord pour dire que c'est la parole de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et Al-Khalil, Ibrahim alayhi salam, il a exprimé cette parole-là par le verset, dans la parole qu'il a dit dans le verset. Qu'est-ce qui est nié? c'est la partie où il dit je me désavoue de ce que vous adorez. Et il a exprimé ce qu'il a affirmé, c'est la deuxième partie du shahada, illa alladhi fatarani, c'est-à-dire la deuxième partie de la ilaha illallah, c'est l'affirmation illa alladhi fatarani, excepté celui qui m'a créé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a restreint l'adoration à Allah seul, et il a nié l'adoration à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce désaveu qu'il a mentionné. Donc il dit, il n'y a pas de meilleure interprétation pour cette parole de la ilaha illallah, et il n'y a pas de plus grande interprétation pour la ilaha illallah que l'interprétation qui est donnée par Ibrahim dans cette parole là hein? Parce qu'elle est claire. Donc après ça, tu vas entendre des Asha'ira ou des Maturidiya ou des gens de Kalam ou des Mu'tazila qui viennent, qui vont te dire la ilaha illallah, ça veut dire qu'il y a un seul créateur et que c'est lui seul qui contrôle le monde et c'est tout. Ou bien les Tablir qui vont dire la ilaha illallah, c'est de croire que Allah c'est le maître de toutes choses, qui contrôle tout, qui a le pouvoir sur tout, qui donne le reste, hein. Ou bien les ahbash, la même chose, qui se limite à expliquer la ilaha illallah par le fait de dire que Allah c'est le seul créateur, le seul maître, il est unique, hein, il se divise pas, et ainsi de suite. Mais quand c'est tawhid al-ibadah, eux ils n'en parlent jamais et ils ne le connaissent pas, parce que pour eux le tawhid c'est tawhid al-rububiyya seulement. Et on a expliqué déjà que tawhid al-rububiyya c'est le tawhid que même les mushrikins affirmait. Donc ça veut rien dire, hein? Après le cheikh il explique et il dit ala wa inna tahqiq ash-shahada wal bara'a min ash-shirk wa ahlihi baqiyat fi dhurriyyat Ibrahim. Hein? Mafturun 'alayha illa man inharafa fa innahu 'adlun 'adala fa innahu 'adala 'an al-fitrah allati قال الله عز وجل في شأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Donc le cheikh il dit certes là la réalisation du témoignage et le désaveu du shirk et des gens du shirk, les gens qui pratiquent le shirk, elle est restée dans la progéniture d'Abraham, hein, et ils ont été créés sur la fitra, et que ça, le tawhid fait partie de la fitra. Le tawhid, l'unicité d'Allah et le fait qu'on doit adorer uniquement Allah, ça fait partie de la fitra, hein. Fait partie de la fitra, excepté pour celui qui a dévié, hein, qui a dévié et qui s'est égaré et qui est sorti de la fitra, de la nature saine et du tawhid de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait allusion à cette fitra dans le verset 30 dans surat al-Rum en parlant du tawhid. Il dit c'est la fitra d'Allah sur laquelle il a créé les hommes, sur laquelle il a créé les hommes, c'est-à-dire le tawhid, hein, l'unicité d'Allah. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette fitra, tous les hommes sont nés sur la fitra, tous les hommes sont nés sur le tawhid et sur l'islam. C'est les parents, les deux pères, mais c'est le père et la mère qui font que l'enfant devienne juif ou chrétien ou majus, etc. Donc c'est pour dire que à la base de l'enfant il est sur le tawhid, c'est sa nature saine. Tous les enfants sont nés sur la fitra, tous les hommes sont sur la fitra à la naissance. C'est les parents qui déforment ou qui viennent, hein, corrompre cette fitra. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, parce que l'islam c'est la religion de l'origine, de la base de l'homme, de la source. Ensuite le cheikh il dit ensuite, il explique ensuite encore une fois le tawhid en disant وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. C'est le verset dans Surat Al-Imran, le verset 64. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, dit, vous les gens du livre, venez vers une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorons que Allah et que nous n'associons, nous allons rien associer avec lui. C'est-à-dire, nous n'allons pas faire de shirk, hein, et nous n'allons rien associer avec lui. Et nous n'allons pas nous prendre les uns les autres des seigneurs ou des égaux en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, alors dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans, que nous sommes soumis à Allah, que nous sommes des musulmans. Donc, le cheikh Zayd, il explique ce verset-là et il dit, ومن جملة الأدلة على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الشرك والمشركين قوله قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Le verset 64 dans Surat Al-Imran que je viens de traduire. Il dit que ça fait partie des versets, des preuves qui expliquent que la ilaha illallah, ça signifie de se désavouer du shirk et des mushrikin. Hein? Et l'affirmation et la négation. Il dit wa hadha al-khitab lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam amarahu Allah an yuwajjihahu ila al-yahud wa al-nasara. Ça, c'est un discours qui est adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de s'adresser aux juifs et aux chrétiens. لأنهم هم أهل الكتاب التوراة والإنجيل. Parce que ce sont des gens du livre qui ont, ils ont reçu la Torah et l'Injil, qui sont des livres que Allah a révélés. ولأنهم يدعون بأنهم أهل رسالة وأهل عبادات. Parce que ils prétendent être des gens qui ont reçu un message de Dieu et être des gens qui adorent Allah, qui ont des adorations. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله إلى الناس جميعا. Donc, il leur a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah pour tous les hommes. فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرَ أَنَّهُمْ اِمْتَنَعُوا مِنَ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala leur informe qu'il est le prophète pour tous les hommes, et donc les gens du livre rentrent parmi ceux qui doivent croire en le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ils se sont abstenus d'avoir la foi en le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont refusé de croire en lui. Wa min jumlati 'ard an-nabi sallallahu alayhi wa sallam da'watahu al-karima 'alayha ma qassahu Allah bi qawlihi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana thumma fussirat hadhihi al-kalima bi qawlihi ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ذلك هذه الكلمة هي التي بمعنى لا إله إلا الله. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'il a présentées dans sa da'wa, dans sa noble da'wa, c'est l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset-là, lorsqu'il dit, aux gens du livre, venez vers une parole commune. Le cheikh, il dit, les savants ont expliqué et ont interprété cette parole comme étant la parole suivante dans le verset, c'est-à-dire que nous n'allons pas adorer, excepté Allah, et que nous n'allons pas associer rien avec lui, et que nous n'allons pas nous prendre les uns les autres comme des seigneurs ou des égaux en dehors d'Allah. Donc, c'est quoi cette parole? C'est « La ilaha illallah ». C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est l'explication de cette parole. Et il y en a parmi les musulmans, parmi les gens qui ont dévié ou parmi les gens de l'ignorance ou de l'innovation. Lorsqu'il y a eu le 11 septembre, qu'il y a eu beaucoup d'autres problèmes avec certains groupes d'égarement qui ont fait des actes de terrorisme, eh bien, il y en a des musulmans qui ont... vous savez, quand c'est des situations comme ça, il y a toujours des réactions extrêmes de la part des musulmans, quand il y a des choses comme ça. Donc, il y en a qui vont d'un extrême, comme Ben Laden et compagnie, et les Al-Qaïda et les autres takfiriens et les Khawarij, ils vont dans un extrême, détruire des choses, faire des actes de terrorisme et des trucs comme ça. Et il y a l'autre extrême, comme les Soufis et les modernistes et les autres gens d'égarement, eux, ils vont commencer à dire des choses et aller pour aller dans l'autre opposé. Ils vont dire non, nous on aime tout le monde et on est avec vous et tout. Donc, ils se sont rassemblés, je ne sais pas, 140 personnes. Hein, et ils ont écrit une lettre au pape, puis à l'Occident. Puis ils ont dit, ils ont utilisé ce verset. Ta'alaw ila kalimatin sawa. Aux gens du livre. Oh non, ce n'était pas lors du 11 septembre, mais c'était après le 11 septembre. Mais c'était quand même quelque chose qui avait été influencé aussi par le 11 septembre, parce que ça avait un impact là-dessus quand même, parce que les musulmans sont tous sur la défensive maintenant, toujours en train de vouloir s'excuser ou se défendre à cause de cet acte. Et c'est normal d'un côté, mais en même temps aussi, c'est des choses parfois qui amènent des gens à tomber dans l'extrémisme, surtout s'il est ignorant ou égaré. Bon, je vais l'expliquer, mais c'est pour dire que eux, ils ont à l'époque, quand le pape a critiqué l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était après le 11 septembre, c'est là, le pape Benoît, là, l'ancien, celui qui a démissionné, là. Non, c'était après. C'était après 2001. Il a dit des paroles contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que l'islam c'est une religion de violence ou je sais pas quoi. En tout cas, il a lu une lettre, je sais pas, d'un des, je sais pas, en tout cas, de l'époque. Puis là, tout d'un coup, il y a eu des réactions. Et parmi les réactions, il y avait cette lettre-là qui a été écrite, ou ce texte qui a été écrit, pour répondre. Mais c'était comme en basant la paix sur ce verset-là, en disant: venez à une parole commune. Ô les gens du livre, venez à une parole commune. Ils ont expliqué, ou ils ont dit, cette parole c'est quoi? C'est l'amour. Ils ont dit, la parole commune, c'est l'amour. Ils disent, vous les chrétiens, vous avez l'amour, vous parlez de l'amour, nous aussi on a l'amour, tout le monde a l'amour, donc la parole commune sur laquelle on doit s'unir, c'est l'amour. Là, ils ont essayé de l'interpréter pour savoir qu'est-ce que ça veut dire cet amour, en tout cas. Allah musta'an. Alors que la parole commune, c'est pas l'amour. C'est le tawhid. C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hein? C'est ça la parole commune. Et donc, on appelle les gens du livre à ça. Hein? Les koufars, tu les vois en train d'attaquer le voile, d'attaquer l'égalité homme-femme, qu'ils disent que dans l'islam il n'y a pas l'égalité entre l'homme et la femme, donc c'est à cause de ça, c'est pas une bonne religion selon eux, d'attaquer plein d'autres principes. Et pour nous, la base de la religion musulmane, c'est le tawhid. Et nous, quand on appelle les gens à l'islam, on les appelle en premier au tawhid. Et c'est à ça qu'on appelle les gens. L'islam, c'est pas des opinions que des gens ont, puis qu'on dit, par exemple, tu peux être contre ou tu peux être pour. Si c'est des choses qui ont rapport avec les choses qui sont des bases de la croyance islamique et des fondements de l'islam, eh bien, ça, c'est des choses, tu y crois ou tu y crois pas. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et une fois que tu as cru en la révélation, et en le Coran, et en la Sunna, et en Allah, et en son Tawhid, et en ses livres, et en ses messagers, et en ses anges, et au jour dernier, et en la prédestination, eh bien tu dois accepter tout ce qui est dedans. C'est pas tu vas prendre une chose, tu dis oui ça je suis d'accord, et tu vas prendre une autre affaire, tu dis non ça je suis pas d'accord. Alors les koufars, eux, ils veulent essayer de parler de la question de la religion, du voile et puis des autres affaires, comme si c'était un élément, des éléments parmi les éléments de la religion qu'on avait le choix ou non. Non, c'est ça. Donc moi j'étais là avec Yanni cette semaine, j'ai entendu des koufars qui discutaient sur ce sujet, et il y en a qui posaient la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur ça. Toi, est-ce que tu es d'accord avec le voile? Est-ce que tu es d'accord avec ci? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Puis eux, non, ils savent que je suis musulman, alhamdoulilah. Mais c'est pas ça l'affaire. C'est que eux, ils prennent par rapport au fait qu'ils rencontrent des musulmans qui leur disent le contraire de l'islam. Et donc, à cause de ça, ils disent, ouais, mais moi je connais des musulmans qui pratiquent l'islam, mais ils font pas ça. Ou ils font pas ça. Ou ils font pas ça. Ou ils sont pas d'accord avec ça. Ou ils disent ça. Et ils pensent que c'est qu'est-ce que les musulmans pensent ou qu'est-ce qu'ils pratiquent, que c'est ça la référence pour les musulmans. Donc, il y a une chose que les koufars, et même les musulmans, ils doivent comprendre, c'est que peu importe le nombre de musulmans qui est d'accord avec quelque chose, c'est pas ça qui va déterminer si c'est vrai ou non. Par exemple, ils disent toujours, ah, les musulmans, ils sont... c'est vrai, parmi eux, il y a un petit groupe d'extrémistes qui sont d'accord avec le terrorisme ou qui font ça, mais ce n'est pas la majorité, c'est la minorité seulement. Nous, on leur dit, même si c'était la majorité qui était d'accord avec les actes de terrorisme et avec le fait d'utiliser le terrorisme, nous, on ne serait pas d'accord avec, même si on était juste deux musulmans dans le monde qui disaient que ce n'est pas vrai. Pas parce que c'est une minorité ou une majorité, mais parce que c'est contraire avec les textes et les preuves du Coran et de la Sunna, et en contradiction avec le consensus des salafs et des grands imams de l'islam qui ont condamné qu'est-ce que ces gens-là font. C'est pas par rapport à une majorité, c'est pas par rapport à une minorité, et nous on s'en fout que ce soit une majorité, hein, façon de parler, quand on dit on s'en fout, c'est-à-dire, ça nous est égal que ce soit une majorité de gens qui croient ou qui pensent comme ça, ou une minorité dans un endroit et dans une époque. Parce que quand tu parles d'une majorité ou d'une minorité, c'est relatif. C'est relatif à un endroit et c'est relatif à une époque. Peut-être que au XXe siècle, tu vas trouver dans tel pays que ceux qui croient ou qui pensent de telle façon à cet endroit-là et à cette époque-là sont majoritaires. Alors que dans une autre ville, ou dans un autre pays, ou à une autre époque, ils étaient minoritaires. Hein? Et nous, notre référence, c'est pas les différents endroits et les différents lieux. Notre référence, c'est, en partant, la révélation, le Coran et la Sunna, et ça, ça change pas, peu importe avec l'époque ou le lieu, ça changera pas, c'est toujours le même Coran et la même Sunna, et on se réfère à, également, à nos salaf al-salih, ceux qui ont pris la religion de l'islam directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont appliquée et enseignée telle qu'elle jusqu'à aujourd'hui à travers les différentes générations par une chaîne de transmission et une chaîne de savants qui se sont relayés cette religion-là de génération en génération dans sa manifestation la plus pure et la plus claire, qui est cet islam qu'on enseigne aujourd'hui, qui est basé sur le Coran, la Sunna et la compréhension de nos salafs, as-salih. Et c'est pour ça qu'on dit que cette compréhension-là, c'est la vraie. Hein? Donc, qu'une majorité des musulmans, supposons que les koufars décident de dire, bon, vous les musulmans, aujourd'hui, là, au Québec, vous devez voter un pape ou un chef religieux. Et puis après, quand vous allez choisir ce chef, vous commencez à voter maintenant, quelle pratique vous allez accepter, puis quelle pratique vous n'allez pas accepter pour les musulmans du Québec. On va faire une version de l'islam québécoise. Et dans cette version, vous devez exclure tout ce que nous on veut pas, et qui est tout ce qui est en contradiction avec notre charte, vous devez le renier dans votre Coran. C'est-à-dire, il va falloir que vous fassiez une nouvelle version du Coran maintenant. Et tous les versets que nous on n'aime pas, dans votre Coran, vous devez les effacer et écrire une nouvelle version maintenant du Coran qui va être la version officielle québécoise. Et aussi, on va faire, et même, ils vont dire même, peut-être, on va aussi faire ça avec la Bible, la Torah, on va effacer tous les versets qui ne sont pas d'accord avec nos idées. Et aussi dans la Torah, hein, et dans les livres des Juifs, et dans les livres des, hein, et dans les livres d'histoire même. Et on va interdire toutes les modes qui sont contraires à notre façon québécoise de vivre. Donc les punks, tous les gens qui ont les cheveux verts, ils ne pourront plus avoir les cheveux verts, hein, et ainsi de suite. Donc si ça continue comme ça, c'est ça qu'ils veulent, mais c'est pour dire pourquoi, c'est pourquoi je suis en train d'expliquer ça, c'est pour dire que c'est pas ça qui, même s'ils faisaient ça, pour nous les musulmans qui s'accrochent au Coran et à la Sunna, ça n'aurait aucune valeur. Même s'ils ramenaient, je ne sais pas moi, 100 millions de musulmans pour voter qu'on va changer une lettre dans le Coran. Une seule lettre. Mais même une haraka, au lieu de fatha, ça va être kasra. Et qu'ils veulent voter ça, et qu'ils le font, et qu'ils veulent le changer, on ne va jamais accepter, on ne va jamais être d'accord. Parce que notre religion, c'est, ça vient d'Allah, et puis on ne peut pas la changer. Hein? Donc, ils doivent comprendre ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai le choix. Soit que j'accepte tout, mais que je rejette tout. Mais je ne veux pas prendre ce qui est en accord avec mes désirs, ou les désirs de Pierre Jean-Jacques, et rejeter ce qui est contraire à leurs désirs pour leur faire plaisir, ou faire plaisir à X ou à Y. Non. C'est le Coran et c'est la Sunna, et j'accepte qu'est-ce qui est dedans, et je me soumets à cet ordre. Et tu vois que tout ce qu'ils font maintenant, toutes ces histoires de liberté, de charte, tout ça c'est pour de l'argent. C'est pour de l'argent, parce qu'ils ont établi une société dans laquelle le gouvernement, c'est lui qui fait vivre les gens. Et il leur donne de l'argent pour tout. Et il demande au peuple des taxes, et il prend des taxes au peuple, et après il le redonne à des gens, ou à des associations, ou à des groupes, ou à des choses, hein, mais avec des conditions. Hein, comme c'est par exemple, bon, ok, vous avez une garderie, par exemple, on va la subventionner. Vous avez une école, on va la subventionner. Vous avez une association, on va la subventionner. Mais c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du peuple, donc vous devez respecter nos conditions. Nos conditions, c'est quoi? On est laïque, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. Ils commencent. Donc, ta liberté, du moment qu'eux, ils te donnent leur argent, tu perds ta liberté de faire ce que tu veux, de croire en ce que tu veux et d'agir comme tu veux. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, moi c'est mon point de vue, Allahu a'lam, peut-être je me trompe là-dessus, mais ça c'est mon point de vue. Du moment que tu vas demander au kuffar, que tu vas tendre la main au kuffar pour établir la da'wa de l'islam, ils vont toujours essayer de contrôler et de déterminer ou de choisir qu'est-ce que tu dois dire ou qu'est-ce que tu ne peux pas dire. Oui, c'est ça. Et quand il y en a un, une fois, j'ai parlé avec un d'entre ces responsables là, par rapport au gouvernement, qui disait, oui, nous, on est prêts même à aider les communautés, à aider les mosquées, si vous avez un projet, hein, un projet culturel, un projet éducatif, vous voulez de l'aide économique, on peut vous donner des subventions. J'ai dit, oui, mais si vous donnez à des mosquées des subventions, est-ce que en échange, vous allez leur mettre des conditions? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'ils pourront, ils devront respecter certaines règles. Hein? Alors, j'ai dit, dans ce cas-là, on perd notre liberté. On perd notre liberté de dire la vérité et expliquer l'islam tel que l'islam est. Hein? Combien de fois j'ai entendu dans des groupes des Ikhwan à Montréal et ailleurs, quand c'était le temps de clarifier la vérité à propos de l'islam, on ne peut pas dire ça, parce que sinon ils vont nous couper ça, ils vont nous couper les subventions, ils ne vont pas nous dire ça, ils ne vont pas nous donner ça. Et oui, pour ça aussi qu'il rentre dans ses affaires de son. Tout ça, c'est... Oui. Tout ça, c'est pour de l'argent. Tu vois? Donc, c'est pour cette raison-là que tu vas comprendre. Après, même les écoles privées, hein, les écoles privées au Québec, qui sont musulmanes, sont subventionnées par les kuffars. Donc après, ils vont dire aux musulmans, dans les écoles musulmanes, mais vous ne pouvez pas enseigner ça, vous pouvez enseigner ça et tout, hein. Mais oui, il faut être indépendant, mais même quand tu veux être indépendant, ils veulent essayer de donner des problèmes. Regardez par exemple, même les écoles juives, ils ont découvert dernièrement que même les écoles juives et les trucs juifs sont subventionnés. Et à cause de ça, ça a créé scandale. Comment ça se fait qu'on utilise de l'argent public, l'argent du, soi-disant du peuple, entre guillemets, pour subventionner des trucs de religion? Tout ça, c'est basé sur ces idées de couf. C'est pour ça que quand tu comprends ce système-là, tu les entends chialer, tu dis, subhanallah, tout ça, c'est pour de l'argent. Ouais, tout ça, c'est pour de l'argent. Donc nous, on ne demande rien en principe, on ne doit pas demander rien à ces gens-là. Si on ne demande rien, ils ne sont pas supposés de venir se mêler leur nez dans nos affaires. Comment on veut vivre, comment on veut s'habiller, comment on veut parler, comment on veut marcher, du moment qu'on ne fait pas de mal à personne. Hein? Subhanallah, une femme musulmane, elle croit en Allah, elle croit en Coran, elle croit en la Sunna. C'est ça sa référence dans sa vie. Elle vit selon ces principes-là. Là, toi, tu veux venir lui dire non, tu n'as pas le droit de vivre comme tu veux vivre, tu n'as pas le droit de croire comme tu veux croire, tu n'as pas le droit de pratiquer comme tu veux pratiquer, tu dois vivre selon notre façon, accepter nos principes, vivre selon nos valeurs, vivre selon nos idées, être d'accord avec nous. Et toi, tu n'as pas le droit de vivre comme tu veux, alors qu'eux, ils prétendent qu'ils sont pour la liberté individuelle, qu'ils sont pour la tolérance de la différence, qu'ils sont pour l'acceptation de l'autre, qu'ils sont pour l'ouverture vis-à-vis de l'autre. Et ils sont la majorité, et nous, on est une petite minorité, mais malgré tout, ils s'acharnent contre nous de cette façon-là. Mais tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est parce que les musulmans n'ont pas fait le devoir et leur responsabilité vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de la da'wah. Ils n'ont pas pris leur responsabilité. Et peut-être que tout ce qui se passe maintenant, c'est un châtiment d'Allah et une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans parce qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire. Celui qui laisse sa responsabilité envers Allah et qui ne prend pas cette religion-là avec sérieux, et puis c'est ça ce qui arrive. Allah subhanahu wa ta'ala va l'avilir, va l'humilier, et on est dans cette punition d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on ne fait pas ce qu'on est supposé de faire. Non, parce que c'est pourquoi? Parce que les gens maintenant, ils vivent dans l'insouciance, dans l'inconscience. On dirait que pour eux, on a l'impression des fois quand on les regarde que pour eux la religion c'est un autre monde, une autre dimension. Et la pratique de l'islam c'est pas la réalité pour eux. La réalité c'est la vie de la dunya. Et ça c'est les vrais. Toutes les règles qu'il y a dans la dunya, ça c'est réel. Et les conditions quand tu veux rentrer dans un job. Hein, tu veux rentrer dans le job, ils te donnent le livre là, quand tu veux appliquer. Une fois que tu es engagé, bon, ils te donnent le livre avec toutes les règles, tous les règlements que tu dois respecter. Hein, les politiques de la compagnie. Après, peut-être, il y en a qui vont même rentrer dans les unions de travail. Bon, la politique de l'union de cet emploi, de cet emploi-là. Tu dois respecter ça. Tu peux pas faire ça. Et ils croient en ces règles-là comme si c'était des lois divines révélées par Allah. Hein? Même peut-être plus encore. Ils connaissent par cœur les lois, les règles et tout, le numéro, puis l'article, puis tout ça, et l'alinéa, puis tout. Ajib, yani. Il fait pas. Et puis si tu leur demandes pour les règles d'Allah, les règles de l'islam, ils ne connaissent pas. C'est comme le frère Mustafa l'autre fois, il disait. Si tu demandes à certains musulmans qui viennent d'arriver les droits qu'ils ont par rapport à aux allocations ou aux subventions ou des trucs qu'on apporte, des droits qu'ils ont pour de l'argent, ils connaissent tous les détails de tous les petits trucs. Subhanallah, que même des Québécois qui sont nés de souche ici, eux, ils ne savent même pas. Hein? C'est comme moi, par exemple, subhanallah, je suis né à Montréal, je ne connais même pas ces choses-là. Eux, ils sont là, ils connaissent. Oh oui, tu as le droit à ça, tu as le droit à ça, tu peux retirer, tu as le droit à 10 cents, tu as le droit à 5 cents ici, tu as le droit à 5 cents là. Mais quand c'est le temps, par exemple, d'avoir le droit de prier au travail, le droit de pratiquer ta religion, qui est supportée, défendue, soi-disant, selon qu'est-ce qu'ils prétendent, la Charte des droits et libertés, eh bien, là, tout d'un coup, ils ne la connaissent pas. Ils connaissent pas ce droit-là, tout d'un coup. Ah oui, on a le droit de prier. Ah, je ne savais pas. Et là, il prie en cachette, et il a peur que son patron voit qu'il prie. Ah non, je veux pas avoir des problèmes parce qu'on va me mettre à la porte. Hein? Donc, c'est pour te dire, il faut que les musulmans ici, parce que c'est ça qui va faire la différence, que les musulmans réalisent que leur créateur, c'est lui qui est leur premier patron, c'est lui qui est au-dessus de tout, et que c'est lui qu'ils doivent obéir avant tout autre, avant toute chose, parce que c'est lui leur créateur, c'est lui le maître suprême, c'est pour lui qu'on existe, c'est lui qui nous a créés, et c'est envers lui qu'on aura des comptes à rendre au jour de la résurrection. Tandis que les êtres humains, ils sont tous des créatures. On est tous des créatures. Et même si c'est quelqu'un qui a un patron, hein, comme je disais une fois, quand j'étais même pas musulman, j'étais jeune, hein, devant l'école Henri Bourassa, j'ai dit à un policier, j'ai dit, tu sais, toi, même si tu es policier, si tu tues quelqu'un dans ton travail, Dieu va te juger pour ça. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a sauté dessus, il m'a donné des coups de pied, il m'a jeté par terre, il m'a donné des coups de pied. Je te jure, parce que je lui ai dit ça. Oui, oui. On dirait que ça l'a comme blessé ça l'a touché là quand je lui ai dit ça. C'est comme ça l'a énervé de penser à cette réalité là. Hein? C'est comme ça les koufars. Ils réalisent pas. Ils pensent que comme ils disent, oh vous les musulmans, vous êtes pour la violence. Vous dites qu'on est pour la violence. Pourquoi? Parce que dans le Coran c'est écrit. Il y a des versets qui parlent de la guerre, il y a des versets qui parlent de la paix, des règles qui ont rapport avec ça. Et vous avez des policiers avec des armes, et vous avez des armées avec des tanks, avec des avions, avec des missiles, des hélicoptères, des navires. Ça, c'est pourquoi ? C'est pour vous défendre, c'est pour attaquer. Non, donc, pourquoi je dis ça ? C'est pour faire comprendre, en fait, que c'est pas parce qu'on établit ces règles-là ou ces principes-là qu'on est pour la violence. Au contraire. Mais c'est pour établir la vérité. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est ça. C'est pour faire comprendre qu'il y a des pays, il y a des États, chacun il gère les choses dans son pays selon la façon comment il considère comme étant le mieux pour sa population, et si c'est des peuples musulmans, ils jugent selon la religion d'Allah. Et si c'est des peuples kuffars, ils vont vivre selon le kuffre et le shirk. Et c'est pour ça en même temps que ça confirme que le musulman, il doit quitter les pays des kuffars et aller vivre parmi les musulmans. Et que s'il veut établir sa religion dans les pays des kuffars, il va avoir de la difficulté, il va avoir des problèmes, et c'est normal. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas permis à la base pour les musulmans de quitter les pays musulmans pour venir s'installer ici. Hein? Mais, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça entendre ça. Parce que c'est la réalité. Exactement. Donc, si on quitte, il n'y aura plus de problème. Puis eux, de leur côté, ils doivent cesser d'inviter ou d'appeler les musulmans. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك